Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous, bienvenue à cette dernière édition du journal Parler en français pour ce 31 mai 2018. La Cour constitutionnelle a validé les résultats du référendum constitutionnel du 17 mai dernier et déclare non fondé le recours de la coalition Amizero et Abarundi. Cette coalition regrette de n'avoir pas été signifiée alors que c'est elle qui a porté plainte pour le secrétaire général du CNDD-FDD. Il devrait accepter le verdict des urnes. La Confédération des associations de caféiculteurs du Burundi se plaint que les dividendes des cafés de haute qualité vendus sur les marchés internationaux ne leur parviennent pas toujours. Et un certain Daniel Naizanie écope d'une servitude pénale de 16 ans pour tentative de meurtre alors que sa complice dans cet acte, Perrine Niongere, devra purger une peine de 7 ans de prison. Ces personnes ont été arrêtées au lendemain de la fusillade contre le curé de la paroisse Nyabihanga qui a été grièvement blessé. Le procès a eu lieu ce mercredi et toujours au chapitre justice et dans un procès de flagrance. Le tribunal de grande instance de Lubumbashi a prononcé une peine de 20 ans de prison ce mercredi soir contre Venant Bizimana, reconnu coupable de viol sur une malade mentale de 14 ans, le matin de ce même mercredi. Et dans la chronique judiciaire ce jeudi, nous parlerons du vacatariat, un contrat de travail inscrit dans le code Burundi du travail. Mais l'inspecteur général du travail reconnaît que ce texte est lacunaire en cette matière. Voilà pour le sommaire. Ce journal est mis en onde par Toussaint Mitewoti. Rebonsoir. La Cour constitutionnelle a validé ce jeudi les résultats du référendum du 17 mai 2018 sur le projet de constitution de la République du Burundi. Le président de cette Cour a annoncé que le vote s'est déroulé conformément à la loi et que le recours introduit par la coalition Amizero et Abarundi est non fondé. Charles Ndagijimana a également déclaré qu'aucune irrégularité susceptible d'influencer les résultats de vote n'a été relevée. Suivez-le. Aucune irrégularité susceptible d'influencer le résultat du vote n'a été relevée. Considérant que quant au résultat du référendum constitutionnel, la Cour, dans l'analyse du procès verbal de proclamation des résultats provisoires tel que transmis par la Commission électorale nationale indépendante, a relevé quelques erreurs matérielles et qu'elle a procédé à leur redressement conformément au code électoral, considérant que les erreurs matérielles constatées ne modifient pas substantiellement les résultats provisoires tels qu'ils ont été proclamés. Considérant que le recours introduit contre la régularité et le résultat du référendum par la coalition des indépendants Amizero et Abarundi a été jugé non fondé, considérant qu'en dernière analyse, les résultats définitifs du référendum constitutionnel du 17 mai 2018 se présentent comme suit. Les Burundais qui se sont fait inscrire au roll pour se prononcer sur le projet de constitution au cours du référendum étaient au nombre de 4 768 154 et le nombre d'électeurs qui ont effectivement répondu au scrutin est de 4 586 730, soit 96,19% de la population inscrite au roll. Le nombre de Burundais qui ont exprimé positivement le suffrage sur le projet de constitution est de 73,24% des votants, tandis que le nombre de Burundais ayant exprimé négativement s'élève à 19,37% des votants. Les bulletins nuls sont au nombre de 4,10% des votants, tandis que les abstentions s'élèvent à 3,27%. Et de ce qui précède, la Cour constitutionnelle décide que le référendum du 17 mai 2018 sur le projet de constitution de la République du Burundi s'est déroulé conformément à la loi. Deuxièmement, que le projet de constitution de la République du Burundi soumis au référendum du 17 mai 2018 a été approuvé à 73,24% de la population qui a voté. Tertio, que ces résultats définitifs seront publiés au bulletin officiel du Burundi, BOB. Charles Ndagijimana, c'est le président de la Cour constitutionnelle. Du côté de la coalition Amizero et Abarundi, l'on qualifie de regrettable l'arrêt de cette Cour. Le député Pierre-Célestin Ndikumana précise qu'ils n'ont pas encore été signifiés. Nous n'avons pas été signifiés. Donc, n'étant pas signifiés, c'est-à-dire qu'en réalité, la décision de la Cour, on n'est pas informé, on n'en sait rien. C'est la raison pour laquelle on n'a vraiment pas quelque chose à dire là-dessus. C'est vraiment regrettable que la Cour, comme la Cour constitutionnelle, personnel puisse signifier les gens qui n'ont pas porté plainte. Nous, nous avons introduit une requête à la Cour. Nous attendons sa réaction. Nous n'avons pas été signifiés, mais on se demande qui d'autre peut être signifié à notre place. C'est vraiment regrettable que les procédures soient piétinées par la Cour qui est censée, bien sûr, protéger tout ce qui est de la loi au Burundi. Voilà, c'était le député Pierre-Célestin Ndikumana de la coalition Amizero Yabarundi, extrait d'interview que nous devons à nos confrères du groupe de presse Iwachu. Le secrétaire général du parti CNDD-FDD se dit satisfait de la décision de cette cour. Évariste Ndayishimiye a indiqué que l'expression du peuple vient de gagner. Pour lui, ceux qui ont porté plainte en relevant des irrégularités ayant émaillé ces élections, comme ils le disent, devraient accepter le verdict des urnes. L'expression du peuple vient de gagner. Si la Cour constitutionnelle vient de valider le référendum, je tiens d'abord à féliciter le peuple burundais qui a eu cette occasion de s'exprimer et qu'effectivement, il s'est exprimé pendant le référendum. Je tiens aussi à féliciter le gouvernement du Burundi parce que le gouvernement avait soumis une question au peuple burundais et le peuple s'est exprimé. Le gouvernement effectivement voulait la réponse du oui et puis le oui a gagné et le peuple a répondu favorablement au désir du gouvernement. La justice a fait son travail, la justice a analysé les plaintes de ceux qui étaient contre. Alors si la justice a déjà jugé, ce qui est intéressant est qu'ils ont eu l'occasion de faire recours, d'avoir justice. Et puis, je les conseillerais d'accepter le verdict des urnes et aussi le verdict de la justice. Cela, c'est un signe de démocratie que tout le monde doit accepter parce que dans la démocratie, il faut d'abord avoir l'occasion de s'exprimer. Deuxièmement, quand vous vous exprimez, il faut conclure. La grande majorité a participé dans les élections. Donc, je crois que cette constitution vient de tracer pour le peuple burundais un avenir meilleur plus qu'avant. Et une servitude pénale de 16 ans a été prononcée lors d'un procès de flagrance de ce mercredi à l'endroit d'un certain Daniel Nhaizani et de la commune de Nyabihanga pour tentative de meurtre. Perrine Niongere, accusée de complicité dans cet acte, écope de 7 ans de prison. Ces deux personnes ont été arrêtées après que le curé de la paroisse Nyabihanga ait été blessé, fusillé il y a environ 10 jours. Les détails dans cette correspondance de Laurent Dicourio. Au cours de l'audience publique, dans le cadre des procès de flagrance de l'après-midi de ce mercredi, le parquet de la République à Moaro a nié que, après que le curé de la paroisse Nyabihanga Idefonso Abukwigina ait été blessé fusillé la nuit du 20 mai dernier, Daniel Nhaizaniye a été pointé du doigt par l'entourage comme l'auteur de ce crime. Ainsi, d'après l'officier du ministère public, il avait l'habitude d'étancher sa soif dans une boutique paroissiale et rentrer tard. Aussi, il y a environ 3 mois, cet homme a été emprisonné au cachot de ses communes, puis libéré quelques heures plus tard pour s'être chamaillé avec la boutiquière. Depuis lors, Nhaizani a juré de se venger contre le curé de ses paroisses qu'il avait fait emprisonner. À ce sujet, Daniel Nhaizani alias Mugozi a nié avoir de mauvaises relations avec le curé de cette paroisse. Selon l'officier du ministère public, cet homme a été aussi appréhendé en possession d'un fusil il y a environ 6 ans. Aussi, l'officier du ministère public a accusé Daniel Nhaizani d'avoir une carte nationale d'identité. C'est écrit Clément Urakure. Ce dernier s'est justifié en disant que ses cartes d'identité avaient été cherchées par ses cohabitants quand il se trouvait encore à Bujumbura afin de se faire soigner parce qu'il était malade. Le siège lui a demandé pourquoi il n'avait pas encore cherché une autre carte d'identité en gardant celle-ci qu'il avait reçue en 2016. Quant à Perrine Niongere, le parquet lui a accusé d'avoir résidé dans ses paroisses pendant une semaine avant cet acte et cela sans papier. Cette fille originaire de la province Rutana a indiqué qu'elle a essayé de chercher ses papiers, mais en vain. Elle a dit qu'elle a ensuite reçu un boulot à l'école fondamentale Gitaramuka, dans la même commune de Nyabihanga, mais son chef hiérarchique ne l'a pas reconnu. Par après, l'officier du ministère public a requis contre Nhaizani et Daniel une peine de servitude pénale de 15 ans pour tentative de meurtre et 3 ans de prison pour possession de faux documents. Le parquet a reçu également contre Perrine Niongere une peine de 15 ans pour tentative de meurtre. Après délibération, le tribunal a prononcé contre Nhaizani et Daniel une peine de servitude pénale de 15 ans pour tentative de meurtre et 1 an de prison pour faux documents. Perrine Niongere a été accusée de complicité dans la tentative de meurtre et a été punie d'une peine de servitude pénale de 7 ans. De Moaro, Laurent Dicourio, Radio Isanganiro. Merci Laurent. Et 20 ans de prison ferme, une amende de 100 000 francs burundais et une réparation civile de 3 millions de francs burundais. Telle est la peine prononcée par le tribunal de grande instance de Rumonge contre Venant Bizimana. C'était dans un procès de flagrance ce mercredi soir. Cet homme d'une quarantaine d'années s'est rendu coupable de viol sur une malade mentale de 14 ans le matin de ce même mercredi. Une infraction qu'il a niée même si les voisins de la victime l'ont attrapé en flagrant délit. Fulgence Ngabire, coordinateur et assistant juridique à l'antenne Rumonge de l'ONG FVS Amade Burundi, qui a assisté la victime, s'est dit partiellement satisfait de ce verdict. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. La Confédération des associations de caféiculteurs du Burundi, Sénac Murima Wissangi, se plaint que les dividendes des cafés de haute qualité qui sont vendus aux marchés internationaux ne parviennent pas toujours aux caféiculteurs. Le président de cette confédération reconnaît que les agriculteurs dont les cafés ont été classés premiers au rang mondial l'année dernière aux États-Unis ont reçu peu de frais supplémentaires. Joseph Nirabama estime que la reconnaissance des efforts des caféiculteurs est un combat qu'il faut mener car, explique-t-il, les montants donnés ne sont pas proportionnels au prix de vente qui était de plus de 110 dollars par kilogramme. Il intervient au moment où c'est ce vendredi que débute le premier paiement du café Cerise. On l'écoute. Les caféiculteurs ont reçu peu d'argent. À côté de 500 francs, ils ont reçu 2875 francs, c'est-à-dire plus de 3 300 francs pour le café Cerise. Mais il reste à la Sénac Murima Wissangi de combattre sur comment on fixe ce prix. Parce que quand on constate ce prix de 2000 francs qu'on a donné au caféiculteur, et les 113 dollars, le caféiculteur a été payé à un petit prix. Voilà, c'était le président de la Confédération des caféiculteurs du Burundi, Sénac, Murima Wissangi. Et sur l'effectivité du début du premier paiement du café Cerise prévu ce vendredi, tel qu'annoncé par le président du Sénac, Murima Wissangi, le président de l'association des détenteurs des usines de départage promet de donner des clarifications dans nos éditions ultérieures. Certains fumeurs affirment que le tabac a des conséquences sur la santé et sur les finances, bien que difficile pour eux d'y renoncer. C'est au moment où ce 31 mai, le monde célèbre la journée sans tabac. Suivez ce micro-baladeur de la rédaction. Le tabac a des conséquences fâcheuses sur la santé. Ça entraîne des dépenses, pas des bienfaits dans la vie. Si on pouvait avoir des produits de substitution. Franchement, moi, il m'a été difficile d'abandonner. Bien que je vende ce tabac, je peux y renoncer. Je dirais qu'il n'y a pas de bienfaits dans la fumée. Parce que la cigarette, lorsqu'on est en train de fumer, bon, le tabac, on commence petit à petit. On croit que c'est aussi facile, mais abandonner, c'est vraiment difficile. Sinon, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de bien fait dans le tabac. Au début, c'était comme la mode, mais par après, j'ai trouvé que c'est du poison. Il m'est difficile d'abandonner. Moi-même, je sens les conséquences du tabac. Ce n'est pas beau du tout. Aux autres fumeurs, je leur demande de laisser, ça tue. Et certains jeunes de la zone Mayoyo en commune Mukike, nous sommes dans la province de Bujumbura, sollicitent l'implication des autorités administratives dans le rapatriement des exilés suite à la crise de 2015. Ils disent pourtant se réjouir du pas franchi dans la réconciliation pour avoir transcendé leurs divergences politiques avec l'appui de l'organisation American Friends Service Committee, même si tout n'est pas parfait. Ces jeunes regrettent néanmoins les conséquences fâcheuses enregistrées durant la crise de 2015. Suivez-les au micro d'Eli Nibel Nibigira. Ici, en commune de Mukike, il y a eu des manifestations, il y a des dégâts, il y a des morts, il y a des blessés comme moi. Mais pour le moment, nous sommes ensemble, nous sommes unis, nous sommes dans le développement. Ce qui nous a motivés, c'est que l'administration et les forces de l'ordre et la société civile sont mis ensemble pour nous sensibiliser les deux côtés, les manifestants et les autres. Ils ont réunis, ils ont donné des conseils, dépasser les divisions, dépasser les tenues. Et ça a été bien pour le moment. Je peux lancer à l'administration ce que l'administration peut lancer des appels pour les figer, pour qu'ils retournent dans notre pays. Ils se sont divisés et certains ont suivi les membres des partis politiques et ils ont fait des manifestations contre la candidature du président. Certains sont morts et les autres ont pris la fuite dans certains pays. Les jeunes ont décidé de faire des rencontres pour bien réconcilier, bien étudier la situation, comment on peut faire la réconciliation. Et nous vivons ensemble dans la paix totale. Je demande à l'administration d'interpeller les gens qui se trouvent à l'étranger, qui ont fait la fuite, de faire le retour chez nous. La crise de 2015 a été manifestée par les crises politiques qui étaient touchées. Pour les contre la candidature de son excellence M. Pedro Bric actuel, en reconnaissant qu'il y en a ceux qui ont fui, qui n'ont pas encore retourné dans notre commune natale. Il y a ceux qui sont réfugiés dans d'autres pays. On attend que ceux qui sont réfugiés entre eux. On demande à l'administration, à l'administration communale et aussi au niveau national pour qu'ils puissent faire le tout possible pour que ces notre collègue puisse rentrer. Radio Isanganiro Chronique. C'est la chronique judiciaire et nous parlons du vacatariat, un contrat de travail par lequel l'employé est affecté à une fonction déterminée et rémunérée sur base de sa tâche. L'inspecteur général du travail précise que cela est connu, surtout dans le domaine de l'enseignement. Étienne Nkeshimana considère que le Code du travail burundais est lacunaire en cette matière et qu'une révision de la législation régissant ce genre de contrat est nécessaire pour préciser le traitement réservé aux vacataires. Les détails, c'est dans cette chronique judiciaire signée Alain Désiré Oukayenetz. Le vacataire est considéré comme une personne affectée à un travail précis pour une période déterminée, explique l'inspecteur général du travail et de la sécurité sociale. Le vacataire, c'est une personne affectée à une fonction précise pendant un temps déterminé. Généralement, une personne qui, sans être titulaire de son emploi, travaille à une tâche précise pour un temps déterminé et rémunérée à la tâche. Un tel employé vient combler provisoirement l'insuffisance du personnel et cela est généralement connu dans le secteur de l'enseignement. C'est surtout utilisé au niveau de l'éducation. L'enseignement, c'est même au niveau de notre pays, on a commencé à entendre ce terme professeur vacataire. C'est quand il y avait pénurie des enseignants, surtout au niveau du secteur public. Le gouvernement du Burundi a autorisé les autres fonctionnaires qui ne sont pas dans le secteur de l'enseignement pour pouvoir donner des cours, en fait, pour un peu aider en fait, ceux qui étaient dans ce secteur pour pouvoir terminer les cours. Étienne Nkeshimana dit que le Code du travail burundais fait allusion à ce genre de contrat, mais sans plus de précision. On parle de travailleurs à la tâche, généralement on appelle tâcheron, ou de travailleurs aux pièces, de travailleurs au rendement. C'est pour dire que, effectivement, je veux dire que globalement, au niveau de notre pays, il n'y a pas une loi, du moins au niveau du Burundi, il n'y a pas encore une loi précise où le Code du travail, même en citant ces trois catégories, n'a pas prévu quel type de contrat on peut donner. Le vacataire ne doit pas demeurer comme tel s'il est affecté à un travail permanent. Et c'est pour cette raison que le vacatariat est conçu pour une courte période déterminée. En principe, ça devrait être un peu pour une courte période. Ça ne devrait pas perdurer juste pour une période, pour l'emplacement. Mais il faut aussi que la loi alors aille dans un sens pour protéger alors les deux. Il faut que l'employé soit protégé par la loi, il faut aussi que le travailleur soit protégé. Dans d'autres pays comme la France, le vacatariat est régi par une loi spécifique. Par exemple, au niveau de la France, là, il y a même une loi qui encadre ça. Et aussi, ils définissent les vacataires comme des personnes extérieures au secteur de l'enseignement et qui viennent donner cours au niveau de l'enseignement. L'inspecteur général du travail considère que le Code du travail burundais devrait évoluer et ce texte devrait préciser le traitement réservé aux vacataires en cas de révision. Mais Étienne Nkeshimana ajoute que le contrat convenu entre l'employeur et le vacataire doit rester comme une loi régissant les deux co-contractants aussi longtemps que le Code du travail burundais ne sera pas encore révisé. Merci Alain Désiré Bokeyeneza, c'est sur cette chronique judiciaire à propos du vacatariat que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à tous les invités aussi pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana, nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes. Issa.